que Dajjal il va dire qu'il est Allah ou autre chose comme ça? والله هذه سؤال طيبة. الظاهر هو هذا. Ça c'est le ظاهر. لكن jusqu'à là j'ai pas lu quelque chose qui confirme ça. Peut-être Sophia. الدجال يأتي على مراتب. الدجال يأتي على مراتب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الدجال يغني على ركض plusieurs étapes des مراتب. أولا يأتي فيقول أنه رجل صالح ورجل صالح، ثم يتأثر الناس به. Donc la première étape, c'est venir, il va dire que c'est quelqu'un de pur, il va faire passer pour quelqu'un de pur. Les gens vont être influencés par lui. La deuxième étape, c'est qu'il va venir au Yaddari Annahu Nabi. فيتأثر الناس به وفي آخر الدرجة يأتي ويقول لهم أنه هو الله. La deuxième, c'est qu'il va dire que c'est un prophète. La troisième étape, c'est qu'il va dire que c'est هو الله. C'est pour ça que ses suiveurs, ils vont l'appeler إلهنا, ربنا, comme il a cité le frère Jibril, l'homme qui va venir, ils vont attraper quelqu'un et un, ils voudront le tuer. Et واحد منهم il va dire notre Seigneur nous a interdit de tuer quelqu'un. Donc la première martabe c'est qu'il va dire que c'est quelqu'un de pur. Deuxième c'est qu'il va dire que c'est un prophète. Troisième c'est qu'il va dire que c'est un ilah. وهو أكثر الكفار في زمانه. Il va venir à une époque où les gens ne parlent plus de lui. Amen. Alamatihi, c'est qu'il va venir à une époque où les gens ne parlent plus de lui. Donc Ammat al-Nas, ils seront pas, ils auront oublié. C'est fitan. Ce sera une époque où dans les Aïm et les Masajid, ils ne parleront plus de Dajjal. Donc il va apparaître et les gens auront oublié les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a dit on a dit que l'Allah est un atba'ihi. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan et akhara Sufyan. وهذه الأحاديث في أي كتاب؟ هذا تنظر في كتب الشيخ عبد الحميد الحجولي ذكر هذه في نسيت الأبواب بس يذكرون من تكلم في هذا في هذه المسألة في كتاب الجار. طيب يذكرون. جيد جيد الله يبارك فيك. خلاص انتهى. ما شاء الله. خلاص وفقكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله. Il y a encore une dernière question. طيب اي لحظه يا عبد الله لحظه اي دونك لا question d'une sœur qui dit comment se comporter ou répondre face à ceux qui mettent en garde contre les gens de dommage sans pour autant rapporter des preuves صراحه الإعراض عنهم أعظم علاج le fait de se détourner de ce genre de personnes ou de ce à quoi elles appellent, c'est la meilleure des choses. Et la fitna qui est hasila في دائرة السلفية c'est une fitna qui maintenant elle a plusieurs années تكلموا فيها من تكلم وبين فيها من بين بما يكفي ويشفي. Et ça c'est une fitna qui a été éclaircie ولله الحمد de plusieurs manières et de par plusieurs personnes.